Vous l'avez sûrement noté, depuis le début de la semaine, nous vous parlons d'une histoire du Pacifique dans la Fabrique de l'Histoire. Et trois jours après le 73e anniversaire de l'entrée en guerre des États-Unis, au lendemain de Pearl Harbor, eh bien, nous abordons ce matin la guerre du Pacifique entre 1941 et 1945. Après avoir évoqué lundi une autre façon de raconter l'histoire en Nouvelle-Calédonie avec l'anthropologue Alban Binsin, puis hier écouté dans le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard les émouvants témoignages des enfants de Japonais installés en Nouvelle-Calédonie, c'était dans les années 10 et dans les années 20, et qui ont été arrêtés et envoyés en camp en Australie en 1941. Ils ne sont jamais revenus auprès de leurs enfants après la guerre. Eh bien, et avant demain de nous intéresser au partage du Pacifique entre colonisateurs européens, nous allons ce matin tenter de vous expliquer ce qu'a été une guerre peu connue ici en Europe et résumée souvent à deux dates, Pearl Harbor et Hiroshima, la guerre du Pacifique. Qu'a donc été cette guerre? Que cherchaient les Japonais dans le Pacifique? Comment ont réagi ceux qui en étaient l'enjeu, les habitants de l'Océanie et du Pacifique Sud en particulier? C'est ce que nous verrons avec Anaïs Quin, qui a préparé la semaine avec nous, avec Sarah Mohamed Gaillard, elle est maître de conférence en histoire contemporaine à l'INALCO, elle est spécialiste de l'Océanie et du Pacifique Sud, et avec Michael Luken, il est historien, spécialiste du Japon moderne, directeur du Centre d'études japonaises de l'INALCO et auteur des Japonais et la guerre 1937-1952, publié chez Fayard, un ouvrage qui vient de recevoir le prix Thiers 2014. We are gathered here representatives of the major warring powers to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. The issues involving divergent ideals and ideologies have been determined on the battlefields of the world, and hence are not for our discussion or debate. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Voilà donc le général MacArthur, c'est en septembre 1945, c'est la reddition du Japon. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour. Une des archives que nous allons écouter donc dans cette émission du mercredi, jour des archives dans la Fabrique de l'Histoire. Bonjour Sarah Mohamed Gaillard. Bonjour. Et bonjour à vous Michael Luken. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors ce moment c'est la fin, enfin ça n'est pas la fin puisque vous nous expliquez dans votre livre que pour vous cette guerre ne s'arrête pas en 1945 et qu'il faut continuer donc dans les Japonais à la guerre après 1945. Et s'arrêter plutôt aux alentours de 1953 pour réfléchir à ce qu'a été la longue séquence de guerre des Japonais dans le Pacifique. Alors on n'ira pas jusqu'à cette date-là dans l'émission d'aujourd'hui. Pourquoi vous dites que 1945, ce n'est pas la fin ? 1945 est évidemment une date fondamentale, on ne peut pas le mettre. Mais en même temps, on peut couper les choses un petit peu autrement. En France, par exemple, la période de l'occupation est considérée comme une période de guerre. Elle a été suivie par le débarquement, la reconquête du territoire français, la libération de la France. Et la période d'occupation, en définitive, est englobée dans la guerre. On imagine que si, par exemple, les Soviétiques avaient poussé jusque dans l'archipel du Japon, avaient chassé les Américains et avaient pris le pied sur l'archipel, toute cette période qu'on appelle aujourd'hui l'occupation, qu'on assimile à la paix, elle serait considérée comme une période de guerre. Alors, si on revient à ce qui précède cette Seconde Guerre mondiale et cette guerre du Pacifique qui est notre propos d'aujourd'hui, Michael Luken, il faut remonter où, selon vous, pour comprendre l'intérêt en particulier des Japonais pour cette région? Est-ce que cet intérêt est ancien? Vous semblez dire que ça n'est pas si ancien que cela et que tout compte fait, il faut remettre dans cette histoire, longue histoire du Japon et en particulier du Japon dans la guerre, remettre cette histoire à sa place, c'est-à-dire avec des opportunités qui se sont présentées mais qui n'étaient pas forcément le destin des Japonais dans cet espace géographique-là. Il y a évidemment différentes chronologies à prendre en compte, comme toujours en histoire. Il y a le temps long qui peut nous ramener jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y a naturellement une volonté des Japonais de sécuriser leur territoire. C'est quand même un des très, très rares pays qui, dans le monde, a résisté à la colonisation. Mmh. On ne peut pas l'oublier. Mmh. Et donc, ça les a poussés à une certaine agressivité, en définitive. Une agressivité défensive, en quelque sorte. Une agressivité défensive, on va dire ces choses comme ça, sur le modèle de ce qu'ils voyaient pratiquer ailleurs, en définitive. Et puis, il y a un temps plus court, qui est celui de la fin des années 30, où là, le monde est quand même extrêmement bouleversé, et par conséquent, on voit les Japonais qui s'adaptent quasiment au jour le jour à la situation internationale et prennent des décisions qu'ils ne maîtrisent pas, dont ils ne maîtrisent pas forcément tous les enjeux. On le voit particulièrement dans leur relation avec l'Allemagne. Mais d'ailleurs, pour le Japon, c'est une guerre de 15 ans, ce n'est pas une guerre de 5 ans. Cette Seconde Guerre mondiale. On peut en effet dire que c'est une guerre de 15 ans qui débuterait en 31 avec l'invasion de la Mandchourie, mais aussi on peut dire que ça commence en 37 parce que là c'est véritablement l'entrée du Japon en guerre contre la Chine, mais 38 c'est la mobilisation générale, donc c'est un sentiment de... Et puis 41 c'est Pearl Harbor. Et puis 41 c'est Pearl Harbor. Et puis 44-43 c'est vraiment là où véritablement le peuple se sent en guerre. Il y a quand même une explosion des morts entre 44 et 45 qui fait que la guerre vue du Japon n'est pas du tout, par exemple, comme la Première Guerre mondiale en France. C'est très différent. Et vu du Pacifique Sud, de l'Océanie, dont vous êtes spécialiste, Sarah Mohamed Gaillard, c'est quoi cette guerre ? Ça date de quand ? Et ça commence quand ? Et ça se termine quand ? Alors, c'est est-ce que c'est aussi aussi compliqué que pour le Japon ? Peut-être pas aussi compliqué, mais l'intérêt japonais pour la Micronésie, là je parle quand même sous contrôle de Michael Luken, parce que je ne suis pas spécialiste du Japon, mais le Japon s'intéresse à la Micronésie essentiellement au tournant du 19e, début 20e. Mais la Première Guerre mondiale est une étape importante parce que les Japonais, qui sont du côté des Alliés à ce moment-là, vraiment bataillent avec les Australiens et les Néo-Zélandais pour conquérir les colonies allemandes. Et il est à ce moment-là très important pour eux d'obtenir les colonies allemandes qui sont situées au moins au nord de l'équateur, c'est-à-dire la Micronésie, qui est un immense espace, et qui est important pour eux parce que c'est une façon de faire contrepoids à la présence américaine à Hawaï. C'est une façon de couper la route qui relie les États-Unis aux Philippines via Guam. Donc c'est une façon de s'imposer sur la scène internationale. Mais de là à dire que la guerre se joue dès la fin de la Première Guerre mondiale, peut-être pas, mais il y a une montée progressive dans les années 20 et les années 30. Comment les Japonais voient-ils cet espace géographique ? Il est toujours important quand on s'intéresse justement à la vision du monde d'un pays, de voir comment ils le nomment, comment ils en parlent. Ils en parlent comment de cet espace géographique des îles du Pacifique? Alors, en particulier En tout cas, à l'époque, vous avez raison, tout à fait, hein, les Japonais ne parlaient pas de guerre du Pacifique. Pendant la guerre qu'on appelle ici la guerre du Pacifique, eux se battaient pour la guerre de la Grande Asie de l'Est. Et il y a donc là, dans les dénominations même, un conflit. Et c'est après-guerre que s'imposera la dénomination guerre du Pacifique, mais qui maintenant est quand même assez contestée, remise en cause par les historiens. On parle de plus en plus de la guerre de l'Asie et du Pacifique. Alors, guerre de l'Asie de l'Est, c'est donc une vision aussi de la propagation de cette importance du Japon dans cet espace géographique, l'Indochine, etc. Puisque vous dites 37-38, évidemment, c'est la Chine, mais 40, ça va être, après la défaite française, l'Indochine française, tout de suite. Et ça va donner des idées d'aller plus loin à ces Japonais ? Oui, bien sûr. Il y a le grand débat bien connu qui se passe au sein des armées japonaises, et même tout en haut, entre la voie du Nord et la voie du Sud. Soit on va essayer d'aller chercher le pétrole du côté de la Sibérie, soit on va essayer de chercher le pétrole du côté de l'Indonésie. C'est les deux solutions parce que il faut quand même bien savoir que les Japonais ont fait la guerre contre la Chine en 1937 avec le pétrole américain, avec le fer américain et avec l'argent américain. Donc ils sont véritablement à leur merci. Et donc la volonté, c'est d'aller chercher le pétrole et donc d'aller plus au sud, passer le long de la péninsule indochinoise. Mais après, on se dit, ils ne connaissent pas très bien ni les Philippines, ni l'Indonésie, ni encore moins l'Océanie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ? ils vont chercher le pétrole. Fondamentalement, ce n'est pas le même projet que celui que les Japonais ont lorsqu'ils s'installent en Corée, Taïwan, et puis prennent pied en Chine, où là, il y a véritablement une vieille communauté culturelle. Là, ils s'aventurent dans des territoires qu'ils maîtrisent très mal. Et même s'ils vont avoir un discours visant à se démarquer des colonisateurs occidentaux, disant voilà, nous avons une volonté de libérer les peuples, naturellement, ils vont se comporter comme tous les colons. Comme des colonisateurs. Bien sûr. On est dans le cadre d'une rivalité coloniale. On est dans le cadre d'une rivalité coloniale, mais aussi d'une rivalité d'empire. C'est comme ça que le perçoivent justement les Océaniens en particulier, Sarah Mohamed Gaillard, une rivalité d'empire, parce que tout compte fait, ils sont toujours sous la tutelle de la Grande-Bretagne, ces pays-là. Ils ont un roi au-dessus d'eux. Et en l'occurrence, comment perçoivent-ils justement l'arrivée de ces Japonais plus au sud, qui descendent justement dans le Pacifique Sud et qui, d'une certaine façon, les menacent? L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont assez mal vécu l'alliance entre la Grande-Bretagne et le Japon au début du XXe siècle. Ont aussi mal vécu le fait que la Grande-Bretagne, qui avait besoin de l'appui japonais lors de la Première Guerre mondiale, concède au Japon le fait qu'il pourrait garder les colonies allemandes situées au nord de l'équateur. Et il y a quand même s'ils sont du côté des alliés pendant la Première Guerre mondiale, l'Australie est quand même très suspicieuse à l'égard du Japon, mais à l'égard de l'Asie en général, parce que l'Asie, c'est un immense continent très peuplé. Et il y a la crainte de voir... Il faut rappeler que ces îles sont très peu peuplées, par ailleurs. Oui, l'Australie, au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est à peu près 7 millions d'habitants qui se répartissent essentiellement sur les littoraux orientaux. Et donc, il y a vraiment la crainte que ces masses asiatiques déferlent dans ce continent australien immense, mais vide. Et isolé. Isolé, très peu armé, finalement. Et plus ou moins abandonné, enfin, il le voit comme ça, abandonné de la tutelle, justement, britannique aussi. Le risque de se retrouver... Abandonné, peut-être pas, mais en tout cas, ils ont bien conscience que les Britanniques ne pourront pas voler à leur secours cas de conflit. Et la chute de Singapour les conforte totalement dans cette idée-là. Ça va aussi expliquer plus tard, à la sortie de la guerre, l'orientation prise par l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour chercher l'allié américain, oui, c'est ça. Qui a été le sauveur, entre guillemets, pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Pacifique. Alors, il y a dans votre livre, Michael Luquen, Les Japonais et la guerre, une photo qui est assez parlante, en tout cas qui m'a parlé quand je l'ai lue. C'est une photo qui représente en 1942 le quartier de Ginza à Tokyo. On y voit de dos des hommes, que des hommes, avec des borsalinos sur la tête et des pardessus occidentaux. Donc, on voit que l'occidentalisation est déjà là, et ça n'est pas une occidentalisation tardive qui serait due à l'arrivée des Américains en 1945, c'est ce que vous racontez dans votre livre sur les Japonais et la guerre. Donc ils sont habillés à l'occidental et ils sont face à une grande carte, et c'est les passants, dites-vous, qui regardent une carte du conflit. Et évidemment, là, on est en cartographie, on est exactement sur le cœur de l'affaire, puisque cette carte ne représente pas du tout l'Europe, représente juste l'Asie orientale, l'Amérique. Et évidemment, au cœur de cette carte, il y a le Pacifique, Michael Luquen. Alors, et en effet, à partir de 1937, au Japon, on installe comme ça, au sortie des gares, des cartes pour tenir le peuple informé de l'évolution des combats. Mais ces représentations du Japon qui domine l'Asie, voire même certaines zones du Pacifique, hein, comme le disait Sarah Mohamed Gaillard tout à l'heure, elles remontent plus tôt, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale et de la prise de possession par les Japonais des colonies allemandes. Donc c'est une représentation qu'ont les Japonais d'eux-mêmes, qui est déjà bien ancrée. Et il y a cette volonté de contrôler un territoire plus large que simplement leur archipel, qu'ils perçoivent comme étant vulnérable, menacé. Cette question-là est extrêmement importante. La peur. Question de la peur. Il n'y a pas que la peur des Australiens, il y a la peur des Japonais. Il y a évidemment une grande peur des Japonais d'être bombardés, d'être sous la coupe des armées occidentales. Anaïs Kien. Et puis vous racontez, vous faites quelques portraits dans votre livre, Michael Luquen, d'opposants, de dissidents politiques japonais. Et par ces portraits, on se rend compte que lorsqu'on est japonais, on ne peut pas aller où on veut. Oui, il y a un L'exil en Union soviétique est très dangereux, mais, y compris lorsqu'on est sympathisant de cette cause communiste. Les États-Unis sont peu accessibles, l'Europe encore moins. Finalement, d'une certaine façon, les Japonais sont relégués dans cet espace asiatique et pacifique. C'est une grande différence qu'il y a entre les cas allemands, par exemple, et le cas japonais, puisque dans le cas allemand, il y a quand même eu des grandes vagues d'émigration au début des années 30, jusque 35, 36. Des gens sont partis, et notamment tous les intellectuels qui vont écrire l'histoire, ou en tout cas nous servir à comprendre l'histoire de toute cette période dans toutes ses dimensions. Dans le cas japonais, c'est pas ainsi que les choses se sont passées. Il y a des intellectuels, il y a des artistes qui ont tenté de quitter le Japon au moment où les choses se passaient mal. Tout le monde connaît peut-être le nom de Fujita. Fujita a quitté le Japon en 1939. Il est revenu en 1940 parce qu'évidemment Paris était tombé. Et il réintègre le système colonial. Et il réintègre complètement le système colonial. Et du reste, un autre qui était avec lui à Paris à la même époque est rentré, mais comme c'était un dissident beaucoup plus... C'était un dissident, lui, et qu'il était connu comme tel, il est parti en prison. Alors, vous dites que les historiens américains, et dans votre livre « Les Japonais et la guerre », c'est très intéressant parce que vous faites aussi de l'historiographie, vous racontez comment on a raconté cette histoire du Japon en guerre depuis la chute de 1945, que les historiens américains ont tenté d'expliquer, et vous contestez cette explication, que tout cela... C'était la fin d'un rêve de 93 ans, disent-ils. C'est-à-dire, en gros, que depuis 1853, l'arrivée de la flotte américaine sur les côtes japonaises en 1853, il y a donc une volonté des Japonais de contrebalancer justement cette influence possible des États-Unis dans le Pacifique, et que tout ça s'arrête en 1945. Pourquoi ça n'est pas cette explication que vous prenez, justement, Michael Duquesne ? Disons que cette explication n'est pas fausse, elle est vraie dans le sens où au Japon même, dans la fin des années 30, début des années 40, on va se référer à l'arrivée du Commodore Perry sur les côtes japonaises pour stimuler l'envie du peuple de combattre les Américains, faire de la propagande. Mais il y a évidemment des facteurs qui sont beaucoup plus conjoncturels, qui sont liés à l'évolution des événements sur la scène internationale en 40-41, et qui là, donc, n'ont aucun lien avec cette longue histoire. Vous décrivez un Japon qui hésite, qui débat, qui n'est pas un Japon monolithique en fait dans cette préparation à la guerre du Pacifique, et qui prend en compte les opportunités qui se présentent, la chute de la France qui lui autorise la possibilité d'aller dans la péninsule indochinoise, puis de là peut-être d'aller un peu plus loin, etc., plutôt qu'un grand projet impérial qui aurait été écrit de tout temps, Michael Duquesne. Certainement, il n'y a pas de grand projet impérial écrit de tout temps. On voit bien les débats, les hésitations qu'il y a eu entre la voie du Nord et la voie du Sud, surtout en 1941, lorsque les Allemands se sont retournés contre les Soviétiques avec lesquels ils avaient signé un pacte sans en informer les Japonais. Les Japonais donc ont été pris de court, eux-mêmes ont signé un traité de neutralité avec les Soviétiques, et donc se sont dit à un moment, lorsqu'il y a eu la guerre germano-soviétique, qu'ils allaient peut-être pouvoir tenter la conquête de la Sibérie. Ça n'a pas été le cas parce que entre la marine et l'armée de terre, ça crée des dissensions trop fortes. Alors, 7 décembre 1941, Pearl Harbor. Comment Pearl Harbor est-il perçu par les populations justement qui sont relativement plus proches que toutes les autres de la planète, et qui vivent avec des Japonais aussi, oui, puisqu'on a parlé hier des Calédoniens, en particulier des Néo-Calédoniens qui se retrouvent avec des Japonais sur leur terrain et qui vont les emmener en Australie en camp, justement. Comment cela est-il pris justement dans cet espace géographique, Sarah Mauvel-Gaillard? C'est compliqué de donner une réponse univoque sur la façon dont Pearl Harbor est perçu en Océanie. Je crois qu'il faut quand même faire la différence entre l'Australie, dans une moindre mesure la Nouvelle-Zélande, et puis les colonies océaniennes qui sont sous domination française ou britannique, et où les populations ne sont pas toujours informées ou très réactives aux informations. Pour l'Australie, c'est un choc, parce que ça entraîne le Pacifique dans la guerre, alors que lors de la Première Guerre mondiale, finalement, les opérations dans le Pacifique Sud, en tout cas, étaient pliées en 4 mois. Donc c'est C'était un théâtre très secondaire. Terminée, en fait, en décembre 14, il n'y a plus d'Allemands, il n'y a plus de colonies allemandes. Donc, sur le théâtre pacifique, c'est fini en décembre 14. Et là, avec l'attaque de Pearl Harbor, les Australiens et les Néo-Zélandais réalisent que le Pacifique, dans son ensemble, va devenir une zone de guerre et que, bien entendu, l'Océanie ne va pas échapper au combat. Et donc, devenir aussi une zone de rétention, comme l'a expliqué Anaïs dans le documentaire d'hier. Donc, une zone de rétention pour les Japonais qui se trouvent par là, qui n'ont pas été des combattants, forcément. Mais avant d'être une zone de rétention, c'est aussi une zone d'intégration et de rencontre de ces populations, parce que c'est ces pères japonais dont on racontait l'histoire qui ont été déportés en Australie, puis ensuite au Japon, à partir de 1941, sont des hommes qui ont fait souche, qui ont des familles, qui ont des enfants métis avec des familles mélanésiennes, avec des familles européennes de colons. Voilà, donc ce ne sont pas des étrangers, ce sont des ouvriers qui se sont intégrés, qui sont parfois en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 30 ans. Et qui auraient pu choisir d'ailleurs une autre nationalité que la nationalité japonaise si on aurait donné la possibilité de le faire. Oui, alors après c'est un petit peu compliqué, puis c'est une question de choix quand même, là, réel. Oui, puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des Japonais. Alors les Japonais en Nouvelle-Calédonie, le nombre est quand même totalement anecdotique par rapport aux travailleurs japonais qui sont installés en Micronésie, puisqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y a près de 56 000 travailleurs japonais qui sont installés en Micronésie. Donc ils surpassent largement la population océanienne et ils sont en plus essentiellement concentrés, 80% dans les îles Mariannes. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait des travailleurs japonais en Australie, notamment des plongeurs qui allaient chercher les perles, même si évidemment la politique de l'Australie blanche a mis à la porte une partie de ces travailleurs. Alors, excusez-moi. On a des informations quand même sur la réaction de ces travailleurs japonais qui avaient déjà migré, qui parfois n'étaient pas rentrés au pays depuis plusieurs décennies, au moment où cette guerre commence. Pour la Nouvelle-Calédonie. Pour la Nouvelle-Calédonie et pour la Micronésie de manière générale. Tous ces travailleurs japonais qui ne vivent plus dans leur patrie depuis des décennies, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des enquêtes, des choses comme ça? Moi, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché rapidement. Non, pour la Nouvelle-Calédonie, j'ai pas là comme ça idée d'enquête très, très précise. Ces populations sont clairement surveillées, comme les Indochinois plus tard, parce qu'on craint leur possible réaction. Quant à la Micronésie, ils font partie d'une logique impériale du Japon dans ce territoire, dans cette colonie. France Culture, Emmanuel Laurentin, La Fabrique de l'Histoire. Gageons qu'une grande partie de ceux et de celles qui dansaient en 1980 sur Orchestra de Manœuvre in Zedar comme moi ne savaient peut-être pas qu'Enola Gay était en rapport justement avec cette guerre du Pacifique et en particulier avec la fin de cette guerre, en l'occurrence à savoir le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Alors Michael Luken, quand on évoque cette question de la guerre du Pacifique, de la position des Japonais dans cet espace géographique, il faut aussi évoquer la militarisation de la société japonaise qui est réelle. Il y a quand même plus de 2 millions de soldats sous les drapeaux en 1940, si je me trompe pas, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. Il y a en effet 2 millions 100 000 soldats dans l'armée de terre. Voilà, il y a beaucoup d'hommes évidemment sous les drapeaux en 1940, mais il faut bien voir que ça va aller crescendo, voilà. Et que les taux de conscription par classe d'âge vont aller jusqu'à quasiment 100% en 44-45. Et 310 000 donc aussi dans la marine en 1941. Cette marine qui est essentielle aussi pour la conquête de ces îles, puisque évidemment on ne peut pas aller d'île en île sans cette possibilité-là. Et il y a là aussi des débat à l'intérieur de l'armée japonaise, entre armée de terre, armée de la marine. Est-ce que c'est bien justement d'aller sur ces îles, d'y laisser des soldats, de tenir ces îles contre les contre-offensives qui vont être les contre-offensives des alliés, etc. Absolument, c'est ce que j'essayais de suggérer tout à l'heure. Si l'option nord a été... pour finir rejetée, c'est parce qu'elle ne permettait pas à la marine d'intervenir. Parce qu'aller envahir la Sibérie, ce n'est pas avec des bateaux de guerre qu'on va le faire. Donc, la marine ayant un poids stratégique, étant comme l'armée de terre liée directement à l'empereur, elle a un poids considérable et il est difficile de faire sans elle. Par conséquent, la voie du Sud est en définitive celle qui permet le consensus le plus important entre l'empereur d'une part, qui a naturellement son avis, et les deux grandes armées. Alors vous n'êtes pas un historien militaire, en l'occurrence Michael Luquen, mais qu'est-ce qu'on peut dire justement du type de guerre qui se déroule dans ces îles et dans cette guerre du Pacifique ? C'est quoi ce type de guerre ? Est-ce que c'est une guerre de guérilla ? Est-ce que c'est une guerre de batailles rangées ? Est-ce que selon les endroits, on fait un type de guerre différent, etc. En tout cas, si on parle de ce qu'on observe dans les îles du Pacifique, on voit bien que la dimension guérilla, elle est très forte. Et ce qui me frappe, en tout cas du point de vue qui est le mien, puisque j'étudie essentiellement l'histoire culturelle, c'est de voir à quel point les soldats ont été livrés à eux-mêmes, avec très peu de ravitaillement, un service sanitaire très faible. Ah bon ? Et par conséquent, d'une certaine manière, s'il y a eu ces techniques de guérilla, s'il y a eu ces attaques suicides à la fin de la guerre, s'il y a eu ces cas de cannibalisme, c'est parce que, véritablement, les ressources derrière ne suivaient pas, contrairement à ce qu'on observe dans l'armée américaine. Anaïs Kien. Oui, puis c'est aussi une guerre de survie du point de vue du Japon, parce que le Japon subit un embargo très, très, très important, très fort, qui menace sa survie, puisque 80% du pétrole, je crois, consommé par le Japon à l'époque, n'arrive plus jusqu'à lui. L'acier également. Et donc, c'est la survie même de l'Empire, finalement, qui est menacée par cette alliance entre les Alliés et les États-Unis avant même l'entrée en guerre de l'Amérique. Bien sûr, c'est la question économique, elle est centrale. C'est la raison pour laquelle ils vont pousser jusqu'en Indonésie. Mais ils partent à la recherche de ressources naturelles. À la recherche de ressources naturelles. C'est l'objectif numéro un. Alors, le pétrole. D'abord le pétrole. D'abord le pétrole. D'abord le pétrole, fondamentalement, c'est ça. Parce que, encore une fois, quand en 1941, ils se lancent à attaquer Pearl Harbor, ils ont des réserves pétrolières qui sont faibles, qui vont leur permettre de tenir quelques mois. Il faut gagner. Il faut en tout cas aller jusqu'en Indonésie pour récupérer du pétrole. Alors, on écoute une archive issue d'une émission de Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, sur France Inter. Donc, c'était en juin 2010. Il s'est rendu à Okinawa et il rencontre Minoru Kinjo, qui est donc traduit par Atsuko Ushioda, et qui raconte en 1945, à la fin de la guerre, à Okinawa, ce qui s'est passé, à savoir un suicide collectif de soldats japonais. Il y a 84 personnes qui ont été mortes, suicidées, forcées. La plupart sont des enfants, moins de 18 ans, et des gens âgés. 4月の1日にここ上陸してるんですよ. Oui, le 1er avril, il y avait un débarquement des Américains. Les Américains ont des yeux bleus et les gens ont pensé qu'ils ne voient pas la nuit. C'est comme des chèvres. Ça fait rire, mais ils croyaient comme ça. Les femmes de 3 ont débarqué à la fin. Il y a 3 jeunes filles qui sont parties attaquer les Américains dans la nuit avec bout de bambou. Les 3 jeunes filles ont été poursuivies par les soldats. Ils sont échappés ici. Ils ont été arrêtés. 自分たちで死のうという意見が出てきた。 Et donc, avant de se faire attraper, les jeunes filles ont testé de se suicider parce qu'ils avaient entendu que quand on devient prisonnier, les Américains vont nous violer, vont torturer. Okinawa les gens sont des bébés de la Tennon, des bébés de la Tennon, des bébés de la Tennon, des bébés de la Tennon, des bébés de la Tennon, des bébés de la Il ne faut jamais être prisonnier, il faut plutôt mourir que d'être prisonnier par les Américains. Cela dit, 女の子、若い女の子、お母さんに刃物を突きつけて、お母さんの手で殺してくれと。 Et une des filles a demandé à aller chercher sa mère et de demander de la tuer. それでパニック状態になる。 Ça a provoqué une immense panique. 親戚、血の濃い方から殺し合いが始まったのがこの現場なんですよ、場所なんですよ。 Les villageois, ils sont introduits ici. それができない人は、来てるものを集めて、火つけて、 Et des gens qui n'ont pas réussi à se tuer, ils ont entassé des vêtements, de tout ce qu'ils peuvent brûler, enfumer et essayer de se suicider comme ça. Asphyxie. À l'intérieur de cette grotte qui est derrière nous. Oui. 84 personnes. Voilà donc cette archive tirée de Daniel Mermet dans La Basse, si j'y suis. C'était en 2010. Michael Luquen. Qu'ont-ils dans la tête ou qu'ont ces personnes dans la tête? Je disais tout à l'heure des soldats japonais, ce ne sont pas des soldats, ce sont des civils qui se suicident à la fin de la guerre à Okinawa. Qu'ont-ils dans la tête de ceux qui sont en face d'eux? Parce qu'on sait ce qu'ont les Américains dans la tête, puisque tous les films américains depuis les séries, les romans, etc., nous ont dit comment ils voyaient la cruauté japonaise, etc. etc. Mais qu'ont-ils ces Japonais dans la tête quand ils vont se confronter à un moment ou à un autre à ces Américains ou à ces alliés? Quelque chose qui est vraiment tragique d'entendre ces témoignages, parce qu'évidemment, il y a eu des dizaines de milliers, hein, voire plus, de soldats et civils qui se sont suicidés à la fin de la guerre ou qui ont mené des attaques absolument sans perspective de survie. Quelle représentation avait-il des Américains d'abord, hein? Je crois une grande peur. C'est ce qui est le plus important. Dans toutes les populations peu éduquées qui pouvaient être en contact avec les Américains à la fin de la guerre, je pense dans les îles du Pacifique, à Okinawa. Une grande peur, mais au point de se suicider massivement. Et avec, évidemment, de l'autre côté, une propagande très forte qui poussait les gens à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, à se suicider pour résister. C'était le culte de l'empereur? C'était quoi qui motivait justement cette volonté d'aller jusqu'au bout de la vie? Il y a de nombreuses thèses qui ont été émises. La mienne, c'est de dire que très tôt, l'état-major japonais a compris que pour gagner, ce ne serait pas une question de matériel, ce ne serait pas une question d'équipement, ce ne serait pas une question de force. Il fallait donc de la volonté. Mais cette analyse, elle est tout à fait rationnelle. Et il considère que l'Amérique est un pays qui est une démocratie, qui est un pays jeune, qui n'a pas beaucoup d'histoire et par conséquent, qui a une certaine fragilité psychologique. Il est puissant, il est fort, mais il est fragile. Par conséquent, il faut en vouloir plus que lui. Et pour en vouloir plus que lui, il faut que les gens soient prêts à aller jusqu'au bout. Et donc, on va avoir une propagande dans ce sens extrêmement forte qui aura les conséquences qu'on vient de voir. Alors, tout de même, il y a aussi ce que font les Japonais quand ils conquièrent, ce que, avec une certaine emphase, on appelle la rigueur doublée de bonté du Bushido japonais. Quand on arrive aux Philippines, ça se traduit comment? Parce que tout compte fait, il y a aussi cette vision de ceux qui sont colonisés par ces Japonais qui progressent dans le Pacifique. Et puis qui progressent de manière incroyable. Entre 1941 et 1943, on compte en millions de kilomètres carrés conquis par les Japonais. C'est-à-dire, c'est une réussite écrasante, cette offensive. C'est une réussite écrasante, mais qui a deux facettes. D'une part, on envoie des soldats partout, donc on émiette les forces, donc on n'a pas les possibilités d'avoir une logistique importante, hein, d'où les problèmes de tactique de guerre, d'endurance et de privation qui vont se poser en 44-45. Et puis de l'autre, comme on n'a pas de logistique, il faut se nourrir. Et donc des techniques de rapine où on vit sur le dos de la population. La fameuse rigueur doublée de bonté. Et une énorme violence qui va peser sur les populations. Sarah Mohamed Gaillard, sur le regard de ceux qui voient arriver ces Japonais dans leurs îles. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils le perçoivent? Et même ceux qui sont à distance et qui ne les voient pas arriver, ils entendent le bruit ou l'écho justement de cette conquête japonaise dans le Pacifique. Ah bah, l'occupation japonaise en Océanie est très dure et très durement ressentie par les populations. C'est tout à fait dans la lignée de ce que disait Michael Luken, c'est-à-dire que ces colonies, enfin ces territoires conquis doivent servir au développement économique du Japon, même si évidemment l'Océanie est marginale dans ce développement économique, mais ces populations, ces territoires doivent venir asseoir l'effort de guerre japonais. Sur place, l'encadrement japonais est parfois très minimum durant la guerre, à partir de 42. C'est-à-dire donc qu'il faut tenir ces populations. On installe un quartier général et puis on se contente grosso modo. Oui, mais les Japonais sont eux-mêmes un peu démunis, les soldats japonais, et donc les privations que connaissent les soldats japonais sont également subies par les populations océaniennes qui sont pressurées, qui doivent travailler, par exemple en Papouasie, en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Guinée, pardon, qui sont importantes pour le caoutchouc. Notamment, il y a des milliers de papous qui sont enrôlés, des travailleurs sous contrat, et le contrat est renouvelable sans leur accord. À Nauru, qui est une île phosphatière importante, la population est en partie déportée dans les Carolines pour aller travailler, et la population qui reste sur place est très durement touchée par les privations, des conditions de vie difficiles, des conditions de travail épouvantables. Oui, parce que cette invasion coupe finalement toute l'Océanie des circuits commerciaux, des circuits de ravitaillement des alliés. Cette occupation les fait mourir de faim d'une certaine façon, puisque leur occupant n'a pas les moyens de s'en occuper. Oui, et puis de toute façon, l'économie de l'île n'est pas tant au service de l'alimentation de la population qu'au service de l'effort de guerre japonais. Michael Luken, on sait qu'il y a 5 ou 6 ans de cela, un grand débat entre nipponisants, spécialistes du Japon, etc., a eu lieu autour de la violence de guerre, de la cruauté supposée de ces Japonais, ce qui aurait là une vision culturelle de ce qu'est le Japon. Comment expliquez-vous justement que encore aujourd'hui on débatte de ça et qu'il y ait encore un débat autour de ce qu'a été véritablement ce type de guerre qui était menée par les Japonais pendant cette guerre du Pacifique? Je peux me permettre, il n'y a pas eu de débat autour du fait que les Japonais ont eu un comportement extrêmement violent. La question ne portait pas là-dessus. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est savoir à quoi ça remontait. Est-ce que c'était une histoire culturelle, etc. Ou est-ce que c'était conjoncturel, justement, lié au déroulement et au cours de la guerre, Michael Luken, c'est ça? Je crois que ces questions-là, en effet, étaient importantes. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Il faut essayer d'avoir une vue complexe des choses, pas être manichéen, surtout quand on parle du Japon et de manière générale, quand on aborde l'histoire extra-occidentale, on a quand même extrêmement souvent tendance à réduire les comportements à des stéréotypes. Donc il y a un effort redoublé à faire. Oui, alors d'ailleurs, ça n'a pas été aidé tout cela par la façon dont on a jugé les criminels de guerre japonais après la guerre, puisqu'il y a eu un grand procès, un tribunal international à Tokyo, c'était en septembre 1946, et là on a un extrait des archives de la radio française qui se rend à Tokyo, qui rend compte de ce procès à la fin de la guerre, et qui rend compte aussi de cette vision occidentale de ce qu'a été cette guerre menée par les Japonais dans le Pacifique. 消極として停止されました。指導要項に関しまして、この日付は1932年。Nous sommes à Tokyo, à l'intérieur de l'enceinte où se déroule l'un des plus grands procès de l'histoire, celui des criminels de guerre japonais. Voici bientôt un an, le général MacArthur recevait officiellement la soumission des Japonais à bord du Missouri en rade de Yokosuka. Après l'heure de la défaite, c'est aujourd'hui l'heure de l'expiation et 32 grands criminels de guerre japonais répondent aujourd'hui de leurs actes devant un tribunal international où siègent les représentants de 11 nations alliées qui sont les Philippines, la Nouvelle-Zélande, la France, l'URSS, la Chine, l'Australie, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, le Canada, la Hollande et les Indes. Le représentant de la France est M. Bernard. C'est dans l'ancienne salle de conférence de l'école des cadets japonais qui, pendant les hostilités, était devenu le siège du ministère de la guerre que se déroulent depuis 3 mois les débats conduits par Sir William Webb, représentant de l'Australie. C'est donc de ces mêmes locaux qu'étaient partis les ordres de l'attaque de Pearl Harbor. Et vous entendez actuellement en haut-parleur la traduction en japonais de la péroraison d'un Américain. Sur le banc des accusés, nous retrouvons face à leurs juges et derrière leurs avocats tous les noms célèbres de l'aventure impérialiste japonaise. Hatta, Hirota, Matsui, Togo, Suzuki, et enfin le plus célèbre d'entre eux, le général Tojo, qui, dans son box des accusés, devant les MP, ne semble absolument pas souffrir de sa tentative de suicide avortée il y a quelques mois. Voilà donc une archive du 12 septembre 1946 de la radio française au tribunal international de Tokyo, chargée de juger les criminels de guerre japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre du Pacifique. Une des ambiguïtés, Michael Luken, de cette histoire, c'est que, mais c'est souvent le cas, ceux qui font la guerre, à savoir ces Japonais qui propagent la guerre dans le Pacifique, le font au nom de la paix. Ils pensent, ils disent que c'est pour installer une paix sans les Occidentaux, dans cet espace géographique, qu'ils font la guerre. Et donc, évidemment, il y a deux paix, ou deux types de paix qui se confrontent dans cette guerre du Pacifique, celle voulue par les Américains et les Occidentaux et celle voulue par les Japonais. Certainement, mais on voit bien que de l'autre côté, les Américains voulaient la paix, évidemment, mais une paix qui était une Pax Americana. Le lac américain. Donc c'est une paix, mais une paix contrôlée. Une paix qui serait donc ressentie du point de vue japonais comme une paix sous domination. Du reste, c'est ce qu'ils auront après 1945. Anaïs Kien. Et puis une paix qui arrive avec, après un déchaînement de violence à partir de 1944-1945, totalement inédit, qui s'achèvera par le premier bombardement nucléaire à Hiroshima et Nagasaki. Finalement, on entend bien dans les archives la sidération occidentale devant cette violence de ces Japonais, mais on oublie totalement de remettre à niveau peut-être le degré de violence déchaîné également du côté occidental pour en finir avec la mort des GIs, avec tout ce nombre incroyable de militaires qui trouvent la mort. Je crois qu'entre les batailles d'Okinawa et les batailles d'Iwo Jima en 1945, il y a près de 25 000 soldats américains qui trouvent la mort. On est dans des chiffres incroyables sur des temps très très courts, finalement, Michael Luken. C'est vrai. En même temps, il y a eu beaucoup d'Américains qui sont tombés dans ces batailles-là. Mais si on regarde le rapport global des pertes entre les armées japonaises et américaines, hein, seulement entre les armées américaines et japonaises, c'est un rapport de 1 à 14. C'est-à-dire que pour un mort américain, il y avait 14 morts japonais. Alors, les conséquences de cette guerre du Pacifique sur cet espace géographique vont être considérables tout de même, Sarah Mohamed Gaillard, pour les pays qui sont dans cet espace géographique, et en particulier pour ces pays de l'Océanie ou du Pacifique Sud que vous connaissez bien. Évidemment, on va réfléchir à nouveau frais à ce qui s'est passé, à cette incursion japonaise, à cette violence japonaise, à ce risque de se retrouver sous la coupe d'un ennemi asiatique. Et donc, on va repenser de façon différente, comme vous le disiez tout à l'heure, les alliances, le positionnement, se penser peut-être plus pacifique que une sorte d'excroissance de l'Europe dans l'océan Pacifique. Oui, alors je pense qu'il faut vraiment dissocier l'Australie et la Nouvelle-Zélande d'une part, et puis les colonies d'Océanie. Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est pas un sentiment nouveau, hein, mais il y a la volonté d'exister à l'échelle régionale et à l'échelle internationale pour l'Australie, la volonté de sécuriser le territoire australien et donc et ses approvisionnements aussi. Oui, et donc d'aller chercher le grand frère américain, un allié grand et puissant, un ami grand et puissant. Et pas si éloigné. Et pas si éloigné, et qui a été important pour la sécurisation de l'Australie. Puis qui a gagné la guerre dans la région. Oui, et puis l'Australie est passée sous la responsabilité américaine à partir de 1942. Il y a à peu près 1 million de soldats américains qui sont passés par l'Australie pendant la guerre. Donc ça ne veut pas dire qu'on renie les liens liens avec la Grande-Bretagne, mais on se rend compte que la Grande-Bretagne n'est pas en mesure d'aider, de défendre l'Australie. Les Australiens qui sont partis combattre, les Néo-Zélandais qui sont partis combattre, ont essentiellement combattu en Europe et au Moyen-Orient. Pour le bénéfice de la Grande-Bretagne, si on peut résumer ainsi. Et donc, ils se disent qu'il faut qu'ils travaillent à leur propre sécurité, mettre en place une politique de défense, une politique étrangère qui leur est propre et qui défende leurs intérêts particuliers dans le Pacifique, notamment. Et pour les autres colonies, donc en particulier les colonies françaises, ça n'est pas exactement la même chose ? Alors, la guerre est très importante pour les colonies, mais surtout pour les colonies qui voient débarquer des milliers de soldats américains. La Nouvelle-Calédonie devient une base principale de l'armée américaine pour la reconquête en Océanie. Idem pour les Nouvelles-Hébrides, qui sont devenues le Vanuatu en 1980. Mais il y a également des bases secondaires comme Bora Bora qui voit débarquer 5000 soldats américains, c'est-à-dire à peu près la population locale. Il faut bien imaginer que Nouméa, lorsque la Poppy Force débarque en mars 1942, c'est 12 000 habitants et il voit débarquer en quelques heures 17 000 Américains. Donc je ne vais pas égrener toutes les bases américaines dans le Pacifique, mais cette présence américaine est extrêmement importante parce que d'abord ça introduit une vitalité économique qui était... pas connus, il faut bien les nourrir, ces Américains. Ils vont dépenser aussi leur argent. Ils vont introduire de nouvelles façons de travailler, notamment en ayant recours aux populations locales. Il faut bien imaginer que la population kanak en Nouvelle-Calédonie est soumise au code de l'indigénat. Et là, des centaines et des centaines de kanaks vont travailler pour l'américaine en étant salariés. Ce n'est plus une corvée, comme c'était le cas pour la colonie. Ce n'est pas une administration coloniale. Voilà. Ouais. Et il voit aussi au sein de cette armée américaine des Noirs américains qui côtoient des Blancs sans qu'a priori il y ait de grandes difficultés. Donc ça fait évoluer les lignes, ça introduit une vitalité économique, une vitalité culturelle qui était inconnue jusqu'alors. Les Américains développent d'immenses infrastructures, des aéroports, ils agrandissent les ports, ils introduisent l'agriculture mécanisée. Donc c'est un séisme considérable pour les colonies où débarquent ces Américains. Et donc, il n'y a plus de retour en arrière possible après la guerre. Il va bien falloir que les puissances coloniales prennent acte de ces bouleversements et des aspirations qu'elles ont fait naître. Oui, on voit bien combien, dans ce que dit Sarah-Michel Gaillard et dans ce que vous écrivez, Michael Luquen, cette guerre du Pacifique, qui est pourtant méconnue, je l'ai dit en ouverture de cette émission, mais elle est relativement méconnue, elle est très connue par les films américains, par Clint Eastwood, par les séries, etc., etc. Mais elle est relativement méconnue dans son déroulement et en particulier dans tout ce qui concerne le caractère culturel de cette guerre, c'est-à-dire les changements, les transferts culturels qui ont lieu au cours de cette guerre, que cette guerre a été considérable et très importante pour tout cet espace géographique, Michael Luquen. Elle est en effet relativement peu connue en Europe, je dirais presque en France particulièrement. Il faut bien imaginer qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et une vraie concurrence avec ce qui s'est passé en Europe avec les soldats américains en Europe. À la fois mémoriel, mais de connaissances, de savoir. Les anthropologues travaillent Benedict Anderson et d'autres vont travailler pour l'armée américaine pour comprendre ces populations qu'ils vont croiser en allant sur ces îles. Il y a des centaines de livres sur toute cette zone, sur cette histoire. Il faut absolument qu'on fasse un effort ici en France pour l'intégrer, pour traduire des choses de l'anglaise, pourtant pas très cher. Il y a un gros effort à faire. On pourrait peut-être même les lire en anglais, d'ailleurs. Pardon ? On pourrait peut-être lire l'anglais. On pourrait lire l'anglais, certes. On pourrait traduire aussi, c'est une très bonne chose. Oui, parce que la bibliographie en français est relativement pauvrette, pourrait-on dire. La bibliographie en français est pauvre, absolument. Oui, Sarah Mohamed Gaillard. Ah oui, c'est la même chose pour l'Océanie. Évidemment, la Nouvelle-Calédonie est un cas un petit peu particulier, mais qui est très peu connu en métropole. Finalement, le rôle qu'a joué la Calédonie dans cette guerre du Pacifique. Et les livres sont Alors que la mémoire est très vive. Oui, la mémoire sur place est très très vive et c'est un tournant important, cette guerre, la Seconde Guerre mondiale en général, pour le Pacifique et pour la Nouvelle-Calédonie. Ça veut donc dire que, par exemple, quand des dirigeants français se rendent en Nouvelle-Calédonie ou se rendent en Polynésie française, par exemple, ils feraient bien de mettre à jour leurs connaissances sur ce qui s'est passé dans les années 40 dans cet espace géographique pour mieux comprendre peut-être aussi ces bouleversements culturels qui ont eu lieu, comme vous les décrivez. Je pense qu'ils le savent, parce que quand même... Bon, ça va. Ce sont les colonies qui se sont ralliées les premières au général de Gaulle. Donc, c'est une mémoire que les politiques ont globalement. Mais ça a fait naître beaucoup de revendications politiques sur place. Alors peut-être pour la finir, cette guerre, on peut rappeler, Michael Lucan, que l'entière responsabilité de cette guerre, de ces morts finalement, est attribuée au Japon, puisque le Japon signe une reddition sans aucune condition. Oui, c'est une reddition sans condition. Il a essayé pendant des mois d'obtenir de la part des Américains un aménagement, une solution, un compromis. Il ne l'a pas obtenu et il a été obligé de capituler lorsque les Soviétiques, en début août 1945, ont déclaré la guerre au Japon. À partir de ce moment-là, si on ajoute en plus les bombes atomiques, il était absolument coincé et était obligé de céder. On écoute justement la bande originale de la série de HBO américaine The Pacific, donc qui raconte justement cette guerre du Pacifique avec la musique de Hans Zimmer et Geoff Zanelli et Blake Neely pour terminer cette émission. Michael Lucan, comme vous le dites, la production ne cesse d'être renouvelée autour de cette guerre du Pacifique. Oui, et je crois vraiment qu'il faut continuer à le faire. Il y a là un travail considérable à mener qui se justifie par le dynamisme économique, culturel de toute cette région du monde. Aujourd'hui, évidemment, il faut donc lire, Michael Lucan, Les Japonais et la guerre, excellent livre qui a reçu le prix de la Fondation Thiers, le prix Thiers, donc 2014, remis par l'Académie française, c'était tout récemment, 1937-1952, c'est chez Fayard. Et si on veut vous lire, Sarah Mohamed Gaillard, il faut vous lire dans des revues pour l'instant. Oui, ou sinon un ouvrage tiré de ma thèse, mais qui n'est pas, qui ne traite pas de la guerre du Pacifique, mais de la politique de la France dans ces territoires d'Océanie depuis 1946. Et qu'on trouve donc chez Peter Lang. Chez Peter Lang, donc excellente maison d'édition universitaire. L'archipel de la puissance, la politique de la France dans le Pacifique Sud de 1946 à la fin des années 90. Donc après cette guerre. Merci. Merci à vous deux d'être venus dans cette émission. Demain, on continue avec vous. On termine cette série en parlant du partage. On remonte dans le temps. On parle du partage du Pacifique par les colonisateurs européens en particulier entre le 16e et le 19e siècle. Cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier, Aurélie Marcet, Jean-Frédéric, c'était à la technique, et Françoise Camard à la réalisation.